Faut nous voir, alignés à l'ombre des murs de l'autoroute, comme si personne ne se doute. Faut nous croire, on sait le nombre des travers qui les pressent jusqu'à nos increvables fesses. Faut le voir, leur côté sombre, les brimés, les maladifs, ceux qui tremblent, ceux qui griffent. Pas de gloire dans nos pénombres. Lâchez les chiens, lâchez le cache, pourvu que personne ne sache. Et voilà l'homme dans sa part épaisse, celle qui nous rend la pièce. Et voilà l'homme dans son petit monde, celui qui nous rend si blonde. On n'est peut-être pas présentable, on n'est peut-être pas fréquentable, mais c'est sous nos coups de rein qu'ils viennent ronger leurs freins. On n'est pas psychanalyste, on n'est pas sociologiste, mais c'est dans nos camionnettes qu'ils se vident la tête. Hier soir, j'ai vu Colombe, ma voisine de Turbin, une belle black guadeloupéen. Hier soir, la belle Colombe s'est fait dézinguer la face par un jeune taré bien salace. On est des épouvantails, on mérite pas une médaille, mais c'est dans nos camping-cars qu'ils déchargent leurs armes. On nous chasse des grands boulevards, vos enfants doivent pas nous voir, car on vit sur la misère et les vices de leur père. On n'est peut-être pas présentable, on n'est peut-être pas fréquentable, mais c'est sous nos coups de rein qu'ils viennent ronger leurs freins. On n'est pas psychanalyste, on n'est pas sociologiste, mais c'est dans nos camionnettes qu'ils se vident la tête. Il y a des soirs, la colère monte, si je continue les passes, je pourrais plus voir les hommes en face. Il y a des soirs, je fais les comptes, je suis peut-être pas bien maline, mais je bosserai jamais à l'usine. On est des épouvantails, on mérite pas une médaille, mais c'est dans nos camping-cars qu'ils déchargent leurs armes. On nous chasse des grands boulevards, vos enfants doivent pas nous voir, car on vit sur la misère et les vices de leur père. Faut nous voir, alignés à l'ombre des murs de l'autoroute, comme si personne ne se doute. Faut nous croire, on sait le nombre des travers qui les pressent jusqu'à nos increvables fesses.